aussi. Guillaume Auguez. Mais tellement. Tellement d'amour, ah, tellement d'amour dans cette émission. Ça va les amigos? Bah oui, c'est bien. Ah, il m'arrive une embûche. Ah, on va grosse embûche. Grosse embûche. Grosse embûche. Grosse embûche. Vous savez ce que j'ai attrapé en boîte? Un champignon, un enfant. Pas du tout. Bien tenté. Non, j'ai attrapé des acouphènes. Ah oui, je suis dégoûté. C'est pas mal, très original, évidemment. Ça touche un Français sur 10, comme Jean-Marc Morandini. Comment j'aime. Elle est approximative cette vanne. Elle est approximative. Non, moi j'aime bien. Elle est approximative. Moi aussi je préférerais être drôle dans cette émission. Mais j'ai eu toutes les peines du monde à écrire ce billet. J'ai du mal à me concentrer avec cette espèce de sifflement constant que j'ai dans les oreilles. Le silence est devenu insupportable. Je crois que je préfère encore écouter les questions de Nagui. Vraiment, allez, tant qu'il y a un bruit de fond. C'est marrant parce que j'avais jamais vraiment écouté le début de l'émission. Et ben franchement, ça va encore. Franchement, ça va. Ça va cette émission, non, Jean-Louis? Ça va encore. Bien, mais oui, je trouve qu'elle exagère, Laurence Bloch, quand elle dit que la bande originale, c'est France Inter à la portée des intelligences intermédiaires. Moi j'ai quand même compté 3 adverbes, quasi 2 métaphores, dont une qui avait quasi un sens. Et allez, c'est pas les 12 coups de midi non plus quand même, c'est vrai, hein. Et c'est chaud ce bruit fantôme en permanence. Et c'est ironique parce qu'adolescent, on m'aurait dit un jour tu vas développer une pathologie des oreilles. Franchement j'aurais misé surdité moi. Franchement Chaque fois que je revenais de la salle de bain avec mon roman de Gérard de Villiers là, avec un peu de semence sur la 4ème de couverture, on me disait pas toi à force tu vas finir avec un sifflement continu, il y a un dysfonctionnement du système nerveux-auditif. Jamais, hein. Quoi, je lisais Gérard de Villiers. Voilà, je lisais Gérard de Villiers, c'est mieux que souiller une tablette. Hein, non, c'est vrai. Hein. Aujourd'hui, tu vises mal, tu peux boucher le petit trou pour le casque. Super la technologie, c'est vrai. Hein. Limite, c'est ce qui peut arriver de mieux d'ailleurs aux adolescents. Hein. Boucher le trou pour le casque, ça leur évite d'écouter de l'érotisme trop fort. Parce que ça rend fou, hein, ce bruit fantôme. Moi, je crois que c'est Edgar Morin qui a eu les mots justes vraiment sous les acouphènes. Il disait autant la chlamydia, je l'ai eu 15-20 fois, c'est pas gay parce que ça déshydrate, mais au moins ça passe. Mais moi, les acouphènes, c'est pour toujours, hein, comme mon tatouage de ce dauphin là. Il disait ça, Edgar Morin. Et c'est mon intellectuel préféré. Je rappelle qu'il a quand même sauvé l'honneur de la famille Morin. C'était quand même pas gagné. Il a raison. Il n'y a pas vraiment de traitement efficace, hein, pour les acouphènes. C'est vrai, tu tapes soigner les acouphènes dans Google Actualité, tu as juste un article de 2013 titré Aucune idée, démerdez-vous. Franchement, voilà. Il y a un remède, c'est la mort. Mais bon, moi, hors de question que je meure avant d'avoir visité Luxembourg, vraiment. Et je savais que ça finirait par m'arriver. J'ai 38 ans, je sors en boîte depuis que j'ai 15 ans. J'en parlais avec Mathieu Ricard qui me disait Ernesto, fils de la volaille. Il disait, je te dis de mettre des bouchons dans tes oreilles quand tu sors. J'étais là, Ricky. Ricky, c'est la honte les bouchons, ça se voit trop, tout le monde regarde tes oreilles. Il me disait, bah, pourquoi tu crois que j'ai une toge orange? Ça détourne l'attention. Quand je sors en boîte, personne ne regarde mes oreilles. Et c'est vrai que j'avais jamais remarqué, mais Mathieu Ricard, il a un brillant sur l'oreille gauche, comme Usher, en fait, c'est vrai. Et ça pose la question de ces choses qu'on fait dans la vie et dont on doit bien finir un jour par payer les conséquences. C'est pareil quand tu détricotes la sécu ou quand tu es l'humanité avec son truc de climat. Là, à un moment, il n'y a pas de secret. C'est vrai, moi, je veux m'adresser aux jeunes qui nous écoutent. Et il y en a. C'est contre-intuitif, mais il y en a. Je vous promets qu'il y en a. Je le vois quand je suis en tournée après le spectacle. Hein. Tu as toujours des gamins de 56, 57 ans qui viennent m'aborder pour me dire arrête de dire que c'est une radio de vieux, nous, on t'écoute. Je leur fais, mais vous avez pas des trucs de jeune à faire, allez, je sais pas, concocter une dick pic ou quoi, détrousser un cadavre. Il me dit non, ce qu'on veut, c'est la chute de ta chronique. J'ai la chute de ma chronique, mais voilà, j'ai la chute de ma chronique, c'est qu'écouter de la musique très fort, ça a été un des grands bonheurs de ma vie. Mais maintenant, jusqu'à la fin de mes jours, dans 18 mois plus ou moins, je vais devoir m'endormir en écoutant les questions de Nagui. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Yahoo! France Inter, Nagui, la bande originale.